Séance du 9 décembre 2010, le mouvement associatif en milieu rural marocain, avec Didier Le Saout, maître de conférence à l'université Paris 8, et Raouf Saïdi, sociologue au LADIS. Comme vous voulez. Merci encore Didier d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, la consigne qu'on s'est donnée, c'est... Donc, en rapport avec la consigne générale d'intervenir en tenant compte de la dynamique dialectique rurale-urbain. Donc, on s'est dit, moi, je vais parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, pour parler d'un cas empirique que j'ai enquêté cette année, vers le mois de février. Et Didier réagira en fonction d'un travail de recherche plus élaboré, plus abouti sur les mouvements tamazir dont il parlera tout à l'heure. Alors, moi, l'idée, en fait, autour de laquelle je voulais intervenir, c'est comment montrer que, dans un cas particulier au Maroc, le mouvement associatif est tel qu'il se configure et il se meut dans l'espace, dans un espace rural, est à la fois la résultante de deux types d'ancrage. Un ancrage à ce milieu rural dans lequel il est inscrit, et le milieu urbain avec lequel il a une histoire et des interactions qui continuent encore maintenant. L'occasion, ça a été en fait un groupe d'étudiants qu'on a accompagné au mois de février pour réaliser une étude sur la dynamique environnementale et la précarité. C'est de savoir comment les ressources forestières dans la région de Skoura, dans le Moyen Atlas marocain, étaient en rapport avec le niveau de vie des populations qui est un niveau assez bas, et l'organisation des filières bois et romarin principalement. Donc cette Skoura est une petite commune qui se situe dans le Moyen Atlas central. Elle se situe à une altitude allant de 1000 à 2500 mètres. Son relief est assez accidenté et c'est une zone qui se trouve dans une région qui a été diagnostiquée comme l'une des régions les plus riches en matière de biodiversité, mais toutefois cette zone est considérée comme une zone menacée à cause des variations climatiques, mais surtout à cause de l'utilisation souvent illégale des produits forestiers par le biais du pâturage ou de l'exploitation du bois de chauffe ou du bois transformé en charbon. Le PNUD a décidé en compagnie de VVF et l'UFON et du ministère de l'Agriculture marocain de mettre en place un projet qui va consister à mettre en défense certains espaces collectifs. Petite parenthèse, c'est une région où les configurations sociales sont de type tribal. Et donc l'idée est de mettre en défense certains espaces pastoraux de romarins. Cette mise en défense permet aux populations qui acceptent ce deal d'avoir l'équivalent de 30 euros par hectare mis en défense. Et donc, il incombe dans ces conditions aux associations qui prendraient le relais de l'administration sur les espaces mis en défense de gérer cette situation et donc et de recevoir l'argent et de constituer le relais avec les populations locales. Dans cette région-là, donc où il y a à peu près 8 000 à 10 000 habitants, il y a une trentaine d'associations auprès desquelles nous avons enquêté. Ces associations sont pour la plupart composées d'étudiants, d'ex-étudiants, pour la plupart diplômés, dits diplômés chômeurs, qui sont donc rentrés au bercail et qui se sont appropriés l'idée de cette mise en défense, de la préservation de la nature, etc. Et donc ont créé des associations allant dans ce sens avec plus ou moins d'autres initiatives sociales et parfois politiques. Donc ces associations, pour la plupart nées vers la période des projets PNUD, c'est-à-dire autour des années 2000, début 2004-2005, et donc continue à, pour la plupart, à être active sur le terrain, selon les moyens qu'ils peuvent avoir, humains et financiers. Donc l'idée autour de laquelle je voudrais donc intervenir, c'est dire que comment ces associations sont à la fois le résultat d'un ancrage local, d'une dynamique locale, mais en même temps, elles sont le relais, la conséquence de mouvements qui se passent ailleurs que dans la commune de Skoura où elles sont localisées. Sur le plan local, ces associations sont constituées par des enfants du pays, rentrés après avoir effectué leurs études, etc. Donc, ils sont issus de la population et ce ne sont pas des associations qui sont venues de l'extérieur, etc. Ce sont des associations qui travaillent pour la plupart sur des thématiques sociales locales et c'est de cette manière qu'elles se sont fait connaître, par exemple en organisant les circoncisions groupées des jeunes enfants qui avant devaient faire 70 à 80 km pour aller jusqu'à l'hôpital et se faire opérer, etc., avec les problèmes qui peuvent apparaître après l'opération, les hémorragies, etc., et l'éloignement des hôpitaux ont fait que donc les associations se sont focalisées sur cette activité-là. Sur l'autre élément qui montre leur ancrage local, c'est que ces associations sont configurées sur la base des fractions tribales. C'est-à-dire que chaque association, bien qu'elle s'en défende pour la plupart, est liée à une fraction tribale et les projets de mise en défense qu'elle soumet à l'administration marocaine et au PNUD sont finalement en définitive des zones qui appartiennent à leur structure originelle. Sur un autre plan, les associations sur le plan du discours sont greffées sur les compétitions entre les fractions tribales. Ces compétitions qui sont très anciennes sur les pâturages, etc., mais qui se sont amplifiées aussi suite à l'intervention des projets exogènes, qui ont créé une espèce de compétition entre les différentes fractions, différentes populations, et ces compétitions, on les voit dans le discours des membres, des acteurs associatifs. On les voit également poser la question de la gestion des ressources forestières à partir de l'organisation tout à fait locale et en tenant compte de la dynamique locale et en posant les questions du développement endogène, etc. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas appropriés seulement la question de la mise en défense parce que le PNUD propose de l'argent en contrepartie, c'est l'une des motivations, certes, mais parce que aussi ils sont dans une logique de développement local. Évidemment, ils n'ont pas un discours tout à fait élaboré sur la question, mais ils sont quand même dans cette logique-là. Sur le plan social également, ils travaillent à lier la question d'une autre manière d'exploiter les ressources forestières avec l'idée que dans cette région, il y a un potentiel de diplômés chômeurs que l'on pourrait employer à matérialiser cette idée de défense de l'environnement, moyennant par exemple la création de coopératives de gestion du romarin ou des choses comme ça. Donc voilà en gros les quelques aspects qui montrent un ancrage tout à fait fort de ces acteurs associatifs par rapport à leur communauté d'origine. Mais cet ancrage ne veut pas dire qu'ils sont isolés du reste de la société, voire même du niveau international, dans la mesure où il faut rappeler que le mouvement associatif marocain date des années 90, plus particulièrement après les événements de Casablanca et les émeutes contre l'augmentation des prix des produits de première nécessité. C'est le premier coup porté au régime un peu le régime dictatorial de Hassan II, et donc une brèche s'est ouverte au niveau législatif et au niveau réel vers la création d'associations. Et c'est à partir de ce moment-là qu'au Maroc, on va assister à une explosion du mouvement associatif qui va être déployé un peu partout dans le pays, embrassant plusieurs espaces et plusieurs niveaux d'intervention. C'est le premier point. Donc, on peut dire que quelque part, ce mouvement associatif local est en continuité avec ce mouvement national. Il est aussi en continuité, pour certains en tout cas de ses animateurs, avec deux grands mouvements sociaux, juridico-politiques marocains, à savoir la MDH, qui est l'Association marocaine des droits humains, une association marquée plutôt à l'extrême gauche, qui a un projet politique marxiste qui dépasse le cadre local pour concerner tout le pays. Ils sont passés pour la plupart, ces militants associatifs, par l'association des étudiants marocains, un autre foyer gauchiste où on a un apprentissage au militantisme et au discours politique et au mode d'organisation et de coordination. Ils sont passés également, pour certains d'entre eux, par Attaque Maroc, un autre mouvement qui a permis des ouvertures sur des thématiques internationales contre les richesses, un peu sur les questions environnementales, mais c'est surtout le fait de participer à Attaque a été un moyen d'acquérir les outils de communication les plus efficaces et les plus performantes. Par exemple, il y a eu des événements En 2008, à Skoura, suite aux inondations et à la destruction des canaux d'irrigation, la manifestation de Skoura, qui est une petite localité paumée dans le Maroc, grâce à Internet, grâce à Attac, grâce à ces mouvements alternatifs, tout le monde a su ce que c'était, et ils ont réussi à récolter un soutien international important. Donc voilà, je vais laisser le temps à notre camarade d'intervenir. Tout ça pour dire, en guise de conclusion, cette dynamique que l'on voit à travers le double ancrage du mouvement associatif dans la commune de Skoura ne veut pas dire que ces militants associatifs ou ce fait associatif soit rural ou urbain. Il est entre les deux, il n'a pas encore eu une maturité à la fois thématique et politique lui permettant par exemple d'être ancré, suffisamment ancré dans les questions du milieu, mais en même temps d'avoir le recul et ne pas jouer le jeu de la compétition entre les fractions tribales et le jeu la dynamique politique classique basée sur les notabilités, etc., a imprégné la région jusqu'ici. Donc c'est, à mon avis, un mouvement qui est en cours de création, en cours d'acquisition d'une certaine de sa propre identité, qui, à mon avis, ne sera ni rurale ni urbaine, mais sera la synthèse de tout ça, parce que physiquement, intellectuellement, ils sont ces étudiants qui sont ces ex-étudiants qui sont les animateurs de ce mouvement associatif. Ils sont à la fois urbains et ruraux, quand bien même originaires de la région rurale que je viens de vous décrire. Merci. Alors j'aurai combien de temps? Je ne sais pas, t'as pris un quart d'heure, 20 minutes, non? 20 minutes. Même plus. 20 minutes. Ah mais vous, bon, plus pour vous. Dites-moi à peu près parce que je veux vous laisser la place aussi. 40 minutes. Bon, on va dire 30. 30, voilà. Si j'oublie la montre, je vous remercie bien de oui, me signaler. Oui, je vais. Donc je vais essayer de m'arrêter. J'avance de 5 minutes, à peu près, 5 bonnes minutes même. Alors déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Pour moi, c'est un plaisir de revenir à Nanterre, que j'ai bien connu, dans mes jeunes années. Je me présente déjà, donc Didier Le Saoud, je suis... c'est ça, je me disais, c'était vous, on s'est déjà croisés. Sûrement. Il reste quoi ? Et je ne sais plus où... Où j'ai dit. Ah oui. Alors, maître de conférence à Paris, oui, mais pas du tout hein, sur des thématiques qui touchent à la géographie en général, ou également pas du tout qui touchent au rural. Et ceci dit, pas du tout éloigné de ce que vous faites, ou en tous les cas, ce qui a été présenté tout à l'heure, puisque donc moi, dans le cadre d'un programme de recherche, qui a été là subventionné par le ministère des Affaires étrangères français, j'ai été amené à développer une recherche sur le mouvement associatif dit Amazir ou Berbère, à la fois au Maroc, en Algérie et dans l'immigration en France. Donc ce mouvement, qu'on appelle encore une fois Berbère ou Amazir, ce projet a été le fruit donc d'un subventionnement du ministère des Affaires étrangères qui s'est intégré dans un programme qu'on appelle le Fonds de solidarité prioritaire, hein, puisque le ministère des Affaires étrangères voulait en savoir un peu plus sur ce qui se passait dans les mutations au Maghreb et donc avait subventionné toute une série de recherches. Ce programme est fini depuis peut-être un peu moins d'un an, et donc là je suis sur la préparation d'un ouvrage collectif issu de cette recherche, qui devrait sortir, je l'espère vraiment, dans les premiers mois de 2011. Alors, mouvement associatif, l'idée était déjà pour moi de je dirais, de ne pas partir sur une conception de l'espace, hein. Déjà, si ce n'est, je dirais, sur une conception de l'espace en termes de territoires nationaux. Hein. Donc c'était l'histoire de comprendre comment le mouvement Amazigh finalement était à la fois proche et distinct dans les trois espaces nationaux que j'ai cités, à la fois l'Algérie, avec ses grandes zones amazérophones hein, que sont la Kabylie et les Aurès, mais également le Maroc, alors là avec un territoire beaucoup plus vaste hein, du point de vue, je dirais, de ces régions amazighes, et puis de la France, prise là encore comme un lieu où je suivrai hein, là où les, on va dire, les parcours migratoires ont conduit à des implications et des engagements associatifs. Hein, donc je dirais je suivrai ces engagements sans a priori hein, distinguer une période d'une autre. Alors c'était une recherche collective, moi j'étais le coordinateur, mais par la force des choses, alors, parce que je ne sais pas si vous avez aussi des relations suivies avec les universités du Maroc. Dans ce programme, il y a des universitaires marocains qui sont... Il y a l'ENFI, l'école oui, bon. Nationale de foresterie. Ouais, qui n'est pas à l'université. Quoi. Non, bon. Mais à Marrakech un peu. D'accord. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai eu... Enfin, on a rencontré, on rencontre peut-être certaines difficultés à engager, à impliquer dans la recherche les enseignants, que ce soit même en Algérie ou au Maroc. Enfin, c'est assez difficile de... Je dirais de maintenir un engagement parce qu'il y a un travail de terrain qui est demandé. Donc par la force des choses, j'ai été amené à faire énormément de terrain, moi personnellement, au Maroc, justement pour venir compléter les manques que je dirais qui se manifestaient de la part donc des équipes du Maroc. Alors déjà, le premier point commun, donc, c'est le mouvement associatif. Mais sur la problématique. Et sur le terrain marocain, un deuxième point commun, à savoir que le mouvement associatif Amazigh au Maroc, de par les itinéraires, les trajectoires hein, de ses animateurs aujourd'hui, est directement lié hein, à cette problématique rurale-urbaine. Pourquoi ? Trois points que j'annoncerai. Après coup, je reviendrai sur un petit historique hein, de la question Amazigh au Maroc, et puis je reviendrai plus en profondeur sur ces trois points. Alors, quels sont ces trois points ? C'est d'une part, les nouvelles générations militantes sont militantes, quand j'entends militantes, c'est militantes amazighes, hein, ceux qui portent hein, l'engagement collectif de défendre l'amazérité, hein, et donc qui, pour cela, adoptent donc, la forme de regroupement associatif et développe des associations amazighes. Donc la majorité de ces étudiants sont des étudiants qui proviennent de régions rurales et pour certaines fortement, je dirais, isolées, hein, puisque donc il y a des, vous voyez la géographie du Maroc, donc il y a des origines de régions montagneuses. Moi-même, bon après, je vous dirai peut-être plus. Précisément, j'ai été amené à aller aussi dans leur famille dans les périodes de vacances, donc des régions complètement isolées, très pauvres. Donc là, je pense en particulier aux régions à la fois du Moyen Atlas et puis de l'extension hein, qui est l'anti-Atlas, mais qui est regroupée géographiquement à l'anti-Atlas, qui est le sud-est du Maroc. Donc en gros, vous avez au centre du Maroc hein, l'anti-Atlas, et je dirais du point de vue de la langue, hein, la région sud-est, je dirais, poursuit une forme de relation avec le Moyen-Atlas, hein, et donc, quand je dis le sud-est, hein, c'est à l'est de Ouarzazate, en allant hein, vers l'Algérie. Donc là, il y a, je dirais, énormément d'étudiants qui viennent de cette région, qui, par la force des choses, hein, au fur et à mesure que le Maroc connaissait un développement, ont été amenés hein, à être scolarisés, donc à poursuivre leurs études universitaires dans les universités, donc université notamment à Meknès, donc au nord du Moyen Atlas, mais également, parce qu'il y a des répartitions géographiques, et selon les disciplines que vous faites, vous pouvez aussi être amené hein, à faire vos études à l'ouest, là dans le Sousse, à qui est notre région amazérophone, hein, vers Agadir, notamment une grande plaque à Agadir, où là encore, hein, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de cette région. Et donc cette région, hein, du Sud-Est a alimenté de façon très importante en nombre et même en qualité militante, hein, le mouvement associatif. J'en profite, hein, pour refaire une petite description des grandes régions amazérophones aujourd'hui. Donc l'autre région, c'est celle, hein, du Sousse. Donc justement, vous voyez Agadir, hein, c'est le sud-ouest du Maroc. Où là également, l'université a reçu des militants du Sud-Est, comme je vous l'ai dit, mais également des militants, des jeunes, hein, qui venaient des régions rurales, là de la du Sud. Donc on va prendre un axe qui part d'Agadir et qui va au sud et qui va aller quasiment vers la route qui est celle de le point qui est Ouarzazate, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc si on avait une carte, ça serait plus simple, hein. Mais en gros, d'Agadir, on pourrait aller, hein, au sud-est à Ouarzazate. Donc ça serait un autre pôle militant qui viendrait du Sousse et qui va jusqu'à, si vous connaissez Tata de nom, etc., c'est aussi cette région. Et après Ouarzazate, hein, on est là dans le sud-est du Maroc, qui va vers l'Algérie, qui a aussi alimenté, je dirais, de façon substantielle, le militantisme amazigh. Et puis, au nord également, hein, la région du Rif, où là encore, y a une forte implantation d'associations locales, et également, hein, d'associations qui proviennent d'un engagement associatif étudiant, hein, notamment les étudiants, on les retrouve à l'université de Nador, mais on les retrouve aussi à l'université de Rabat et de Casablanca. Donc ça, c'est, je dirais, premier élément du point de vue de l'origine géographique, hein, des étudiants qui se retrouvent dans les villes, dans les grandes villes, pour poursuivre leurs études. Mais, et là un petit historique, les deux autres points, mais je reviendrai après, hein, je vous le dis tout de suite, on va se croiser également sur les tribus, c'est le deuxième point, et puis on va se croiser aussi sur les axes d'action associative, puisque là c'est un axe sur la promotion de la culture amazigh, mais cet axe d'engagement associatif va également croiser un axe qui est celui de l'engagement associatif pour le développement. Donc je reviendrai sur ces deux autres. Alors, juste avant, quelques petits éléments, quelques petits repères chronologiques, hein, qui à la fois prolongent et croisent ce qui a été dit précédemment, c'est que, d'une part, l'engagement pour la majorité est relativement récent en tant qu'engagement public, hein, puisque sous Hassan II, il y avait eu un premier pas, une annonce qui avait été faite en 1994 dans un discours de Hassan II du 20 août 1994, où Hassan II avait dit qu'il était prêt à reconnaître l'enseignement des dialectes, hein, pas de la langue, c'était tout à fait notable, mais déjà des dialectes berbères au Maroc, hein. Donc, tout en sachant que les trois régions que je vous ai citées ont chacune, hein, un dialecte ou une langue. Hein, je dirais, c'est dans Tamazirt étant considéré comme la langue amazigh, hein, il y a trois, du point de vue de la langue, il y a trois composantes, hein. Et donc Hassan II était prêt en 1994 à reconnaître l'enseignement des dialectes. Après son discours, il n'y a rien eu d'effectif, hein, jamais ces langues ont été enseignées. Il a fallu, on va dire, attendre sa mort en 1999, hein, pour que le successeur, hein, son fils, donc Mohamed VI, poursuive, je dirais, donc la charge royale au Maroc. Et du coup, hein, du fait qu'il héritait de trois, on va dire au moins trois grands dossiers brûlants, à savoir le dossier de l'islamisme, le dossier de la question amazigh, et puis le dossier de la démocratie, puisqu'il y avait eu une grande, je dirais, une partie de militants qui avaient passé leur vie en prison avec des tortures assez dures. Donc l'idée, hein, d'essayer de remettre à jour, et donc, hein, la politique des droits de l'homme, qui était le troisième grand dossier. J'inclus également aussi le dossier des femmes, puisque il y a eu aussi des manifestations importantes sur la question des femmes, et qui a donné aussi, hein, cette réforme de la Moudawana, du code où la femme a obtenu, je dirais une, enfin, où les questions qui touchent au divorce, etc., ont connu quand même de grandes réformes. Donc, 1999, la mort de Hassan II, Mohamed VI prend le pouvoir, et 2001, création de l'Institut royal de la culture à Mazyr. Hein, c'est un grand institut avec des moyens considérables qui sont donnés, où il y a à la fois un volet qui est celui, on va dire, qui porte sur la langue, hein, puisque le roi entend ne pas, je dirais, en finir avec ces divisions régionales et tribales, et donc propose une standardisation de la langue. Donc, une branche de l'Institut royal qui va travailler sur la standardisation, de produire quasiment une nouvelle langue à Mazyr, qui serait unifiante hein, des autres composantes. Et puis, des chercheurs qui travaillent sur ces questions à Mazyr. Et puis, troisième volet également, subvention donnée hein, aux associations qui s'engagent hein, sur la promotion et de la langue et de la culture à Mazyr. Donc, on va dire que cette date de 2001, elle est importante, même de 99, à partir du moment où la mazérité était auparavant quelque chose qui n'était pas, je dirais, bien vu, hein, d'autant plus que les coups d'État des années 70 au Maroc étaient l'œuvre de Berbères hein, au sein de l'armée. Donc déjà, il y a une grande suspicion. Également, qui dit à mazérité, dit également tribu et donc dit contestation hein, de l'ordre établi et risque hein, pour l'État central de se voir, renversé hein, par des mouvements de population. Donc, 2001, hein, un changement, au moins dans la politique affichée, finalement, de prendre à bras-le-corps ce problème hein, pour le traiter. Alors, et là, je reviens au rural, c'est-à-dire que le mouvement à Mazyr s'était déjà déclaré, enfin, il faut quand même le reconnaître, dans les années 90, et notamment juste avant les années de plomb. Hein, enfin, les années de plomb, c'est en gros toute la décennie 90. Il y avait quand même eu un mouvement intellectuel qui avait mis en place une grande rencontre en 1990 et qui avait abouti à un document qui posait toutes les revendications de quelques associations à Mazyr qui existaient à l'époque, hein, qui était la charte d'Agadir. Donc, ces intellectuels, qui étaient des étudiants, étaient des chercheurs, et des gens qui travaillaient notamment sur la langue dans l'université, avaient quand même produit ce texte. Et là où je veux en venir par rapport à la ruralité, c'est que eux-mêmes étaient originaires de ces petits villages hein, que j'ai cités, à la fois dans le Sousse ou dans d'autres régions. Et donc, quel est le point là-dessus? C'est que la mazérité, dans les régions où l'on vit et qui sont totalement amazérophones, hein, dans ces villages, dans ces régions reculées, ne se pose pas en tant que problème politique, puisque tout le monde la vit au quotidien. Tout le monde parle à Mazyr, tout le monde, je dirais que ce soit les parents, les enfants, etc., vivent hein, sur un mode qui est celui hein, de traditions, qui sont des traditions à Mazyr. Hein. Alors là, ça peut porter sur ce que vous mangez, ça peut porter sur les formes du mariage, ça peut porter sur toute une série hein, de points dans la vie quotidienne. Et donc, la revendication ne se pose pas à partir du moment où vous restez dans la région. Donc, vous voyez qu'elle s'est posée en 1990 avec ce texte de la charte qui symbolise finalement l'émergence de ce mouvement associatif. Elle s'est posée au début 90 de la part hein, d'étudiants qui venaient hein, de ces villages. Et puis, ce que je vous ai dit en introduction, elle s'est posée également, et là plus hein, dans les années, fin des années 90-2000, avec ce mouvement étudiant où des jeunes hein, quittent leur village pour arriver dans les grands centres universitaires. Et donc, hein, par définition, la mazérité est le produit d'une prise de conscience hein, de sa culture, mais cette prise de conscience se fait lorsqu'on est hein, en relation, en interrelation avec d'autres milieux, et notamment hein, avec des milieux qui sont des milieux arabophones, puisque hein, la langue dominante dans ces centres universitaires reste la langue arabe. Enfin, quand je dis la langue arabe, c'est le dialecte d'Arija, qui n'est pas l'arabe pur du tout, mais une autre langue hein, que sa langue ramassée. Et donc, ce décalage, cette transposition hein, à la fois d'un univers qui était l'univers familial vers l'univers des études, un produit finalement à une prise de conscience chez bon nombre d'étudiants. Il ne faut pas, je dirais, donner aussi, ça se fait chez certains, mais pas chez tout le monde non plus, hein, mais chez certains, ça se traduit par un engagement associatif. Donc là, et la Mazerité au Maroc, hein, en tant qu'engagement collectif, est directement lié à ce déplacement par les études. Alors, deuxième point, hein, où j'ai rencontré la ruralité également dans mes recherches, c'est que moi, j'ai été amené à sillonner toutes les régions en suivant. À la limite, j'avais pas tant un plan bien établi au départ. Je suivais là où je rencontrais des engagements associatifs très forts. Je suivais, j'allais voir ces associations, et donc je me retrouvais là où elles étaient finalement très fortement implantées et très intéressantes du point de vue de ce qu'elles faisaient. Donc, j'étais amené à aller dans le Rif, dans le Moyen Atlas, dans le Sousse, etc. Et j'ai retrouvé des configurations différentes selon les régions. C'est-à-dire que la région que je vous ai présentée distingue du point de vue de la langue, puisque le Rifain n'est pas, en termes de composants de la langue amazighe, n'est pas pareil que Tachavit, qui est par exemple dans le Sousse, hein, dans la grande région d'Agadir, ou n'est pas la même variante dans le centre Maroc central, hein, du Moyen Atlas, où là la langue s'appelle tamazirte en tant que telle, le tout s'appelant aussi tamazirte, c'est un peu compliqué, mais en gros il y a trois composantes. Et donc je l'avais rencontré sur la langue, mais je le rencontre également, hein, du point de vue justement de l'organisation tribale, ou ce qu'il reste de l'organisation tribale, à savoir que à l'indépendance, et même quelques années même avant l'indépendance, donc de 1956, c'est-à-dire que la politique française du protectorat c'est la France qui a finalement soumis les tribus amazighes qui étaient les plus réticentes à rejoindre l'État en formation moderne du Maroc. Donc l'État français, enfin la politique, l'armée française a finalement vaincu toutes ces tribus qui résistaient, hein, ce qui a profité, hein, au sultan et au royaume du Maroc, qui a pu, hein, progresser dans cette région. Et donc ces liens tribaux, on va les trouver très fortement, le plus fortement on les trouve dans la région du Moyen Atlas, et puis, hein, dans l'extension que j'appelle le sud-est du Maroc, où là les militants, hein, qui défendent la mazérité le font avec une identité, hein, qui reste somme toute l'image qu'ils se font de la tribu, de leurs parents, de leurs grands-parents, avec donc une affirmation identitaire fortement tribale. Dans la région du Rif, hein, donc, qui est caractérisée, vous le savez, avec Abdelkrim, tout le monde a l'image d'Abdelkrim Khattabi, hein, le grand résistant, notamment de la colonisation espagnole, hein, au Rif. Là, somme toute, hein, la représentation de la tribu est beaucoup plus faible, et encore plus faible, hein, dans la région du Sousse, au sud-ouest du Maroc. Alors, c'est assez important, puisque, bon, d'une part, il reste, hein, on parle des mouvements amazighes en général, mais il reste somme toute des différences et des rivalités déjà régionales au sein du mouvement amazigh. C'est-à-dire que selon que vous êtes du Rif, du Sousse et du Moyen Atlas, il y a une certaine défiance, hein, entre militants, de par justement leur origine régionale. À savoir que, très rapidement, hein, par exemple, les gens de la région du Sousse, hein, sont considérés comme ceux qui... déjà la région est la région la plus riche parmi les trois régions, mais ceux qui sont le plus disposés à rentrer dans une forme d'interaction avec le pouvoir central, et puis s'ils peuvent profiter d'une ascension sociale grâce à leurs relations, ils en profiteront. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais c'est comme ça qu'ils sont perçus, hein, par les autres régions. La région du Sud-Est est perçue comme la région marqué par la résistance. Hein. Les dernières tribus qui ont été vaincues par l'armée française, ce sont ces tribus du Sud-Est. ce sont celles qui sont plus battues, qui ont le plus résisté à la progression de l'armée française. Il y a également eu, dans la région du Moyen-Atlas, juste au nord de ce sud-est, de grandes résistances, mais l'armée française était passée dans les années 1916, où il y a eu une grande bataille avec énormément de, avec des défaites de l'armée française, tellement la résistance de ces tribus était forte. Donc, je vais plus profondément que les trois régions, on est lié dans la région du Moyen Atlas et dans la région du Sud-Est, directement impliqué à prendre en compte cette organisation tribale. Tout en sachant qu'on a un État marocain du type moderne qui s'est mis en place depuis, dont le but est bien évidemment de dissoudre ce lien tribal. Donc les communes, tout ce qui réfère à l'organisation politique moderne est là pour briser les liens tribaux, puisqu'on va par exemple faire passer la limite d'une commune par exemple au milieu d'une tribu exprès pour tirer sur deux pôles différents. Alors le troisième point où je retrouve la ruralité, c'est que de deux points de vue, c'est la relation des associations amazighes avec les autres associations, mais là je l'intègre de deux points de vue. Premier point de vue, c'est que ces étudiants dont je vous ai parlé, à un moment ils finissent leurs études. Et donc après, ils sont, sommés de trouver un travail, ce qui est très difficile au Maroc. Certains y parviennent, d'autres n'y parviennent pas, et peuvent revenir dans la région d'origine. Donc là, c'est une minorité, mais c'est quand même quelque chose de significatif. Certains vont donc créer des nouvelles associations dans leur région d'origine. Donc, vous voyez, la prise de conscience par la ville, d'une conscience amazighe, se trouve, alors qu'elle ne se posait pas avant qu'ils partent vers la ville, se trouve présente quand ils reviennent dans leur région d'origine. Premier point dans lequel la question de la ruralité se repose pour les étudiants. Le deuxième point, c'est que je vous ai dit que 1999, Hassan demeure, 2001, Mohamed VI lance sa grande politique amazighe, et bien la mazérité devient, entre guillemets, politiquement correcte. C'est-à-dire que ce qui était perçu d'un mauvais œil auparavant, finalement, maintenant, jouit d'une bonne image officielle, puisque c'est un axe fort de la politique de Mohamed VI, et finalement change considérablement les choses localement et notamment dans ces zones reculées. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que maintenant, une association veut faire une action pour la promotion de la culture amazighe dans un village, elle peut solliciter l'aide de l'Institut Royal dont je vous ai parlé en introduction, avoir une subvention, et donc de poser son initiative sous le sceau de l'Institut Royal de la culture amazighe. Donc tout, à partir du moment où ce sceau est admis, l'intérêt de l'État, c'est bien évidemment de l'IRCAM, cette donnée de subventionner pour intégrer toute cette politique associative qui était contestataire au départ et d'essayer de l'intégrer dans le jeu de la politique du pouvoir. Mais en donnant ce sceau de l'Institut Royal de la Culture amazighe, les associations jouissent d'une légitimité dans un espace qui est l'espace du village ou des villages. Parce que maintenant, les autorités qui étaient très réfractaires, vous savez que il y a un maillage institutionnel et sécuritaire très serré au Maroc, et au niveau local, celui qui a le pouvoir, le Brandem ou d'autres, voient très mal un engagement collectif se développer. Et là, avec ce sceau, Institut Royal de la Culture amazighe, les autorités locales permettent et sont obligées, bien évidemment, de reconnaître et de faciliter l'action de ces jeunes, parce que notamment là, c'est des jeunes qui viennent développer un certain nombre d'actions. Alors, se pose après coup, finalement, une montée en force de ces associations amazighes dans ces lieux-là, puisque ces associations vont bénéficier peut-être plus de subventions que vont en bénéficier les autres associations. Et là, je pense notamment, va se poser une certaine forme de, on va dire, compétition avec d'autres associations qui sont les associations de développement. Alors, elles ont leur, on va dire, leur circuit de financement qui ne sont pas du tout les mêmes, dont des programmes internationaux, par exemple, peuvent être une de ces sources de financement, mais se pose une compétition dans le sens où la masérité va drainer déjà beaucoup de jeunes dans les villages. C'est-à-dire qu'elles ont une signification, elles ont toujours un contenu plus ou moins radical, donc qui attire la jeunesse. Et les associations de développement se trouvent, du point de vue de la représentativité, finalement, donc en compétition avec ces associations qui ramènent plus de personnes, qui font plus d'initiatives. Et donc, se pose la question pour ces associations de développement d'intégrer la dimension amazigh également dans leur champ d'action. Donc, on va trouver, j'en ai trouvé notamment dans Moyen Atlas, certaines qui gardaient l'appellation d'association de développement, mais qui faisaient tout pour développer ces actions pour la défense de la masérité. En contre-coup, parce que ça aussi, ça a un effet dans l'autre sens, c'est que dans ces villages, la défense de la masérité en tant que telle n'est pas suffisante. Je veux dire, les problèmes concrets sont ceux déjà de manger. Avant même de trouver dans certaines régions du travail. Enfin, les associations amazigh doivent de leur côté également trouver des formes de, je dirais, des objectifs qui soient des objectifs concrets pour la population. Alors, c'est extrêmement difficile pour elles parce que, somme toute, leur base d'existence c'est un fondement culturel et que elles ont du mal à proposer un objectif réalisable, concret, que la population puisse évaluer d'elle-même. Mais donc elles sont finalement elles sont à la croisée finalement de ces chemins du développement et de la défense d'un programme culturel qu'elles, je dirais, développent plus ou moins bien, mais elles sont en train de tâtonner sur ce terrain. Alors, là-dessus, on ne retrouve pas les diplômés chômeurs. Pourquoi ? Les diplômés chômeurs, que je vous explique, c'est ces gens qui ont fini leurs études, qui s'organisent aussi sous forme associative, donc qui viennent aussi de toutes les régions du Maroc, mais qui sont plus sur une base idéologique d'extrême-gauche, on va dire, alors que les militants qui défendent la masérité sont en réel conflit avec ces militants de gauche, tout comme ils sont en réel conflit avec les militants islamistes. Dans les universités, il y a une réelle compétition, il y a même des batailles, c'est des lieux d'affrontement qui peuvent être parfois très violents. En gros, aujourd'hui, le mouvement amazigh à l'université a pacifié ses relations avec le mouvement islamiste. En gros, ils sont plus dans l'affrontement, ils se reconnaissent chacun leur espace d'action. Mais l'affrontement est beaucoup plus violent encore aujourd'hui avec ces militants d'extrême-gauche, où, notamment à l'université d'Agadir, il y a eu des morts encore récemment, depuis Mohamed VI, où il y a des règlements de compte au sabre qui se font dans l'espace de l'université. Donc, on a dans le retour au village, on a pour ceux qui viennent de l'université en retour, on a des gens qui ne sont pas sur cette matrice idéologique de la gauche, qui sont même contre la gauche. Pourquoi ? Et contre l'extrême-gauche en particulier. Pourquoi ? Parce que le programme de la gauche et de l'extrême-gauche est un programme qui a cautionné l'arabisation du Maroc, puisque dans ces grandes idées généreuses de la gauche, donc c'était de lutter contre le colonialisme, et notamment contre les langues du colonisateur, qui était en l'occurrence là le français notamment, et donc de cautionner à une politique d'arabisation de ce point de vue-là, en tant que politique de libération. Donc l'univers amazigh du point de vue militant, est vraiment en compétition et en concurrence et en affrontement avec l'univers des autres militants de la gauche. Alors ceci dit, il y a une fraction de militants qui viennent du Parti Socialiste, du SFP, mais c'est très minoritaire, qui ont rejoint après coup le mouvement. C'est assez minoritaire, y compris si la région du Sousse est une région USFP d'un point de vue politique, avec Agadir, notamment les maires, etc. Vous trouvez des élus qui sont de ce courant politique, qui sont favorables à la politique amazigh. Toute cette élite amazigh s'est retrouvée sur les options qui étaient les options pour l'arabisation, parce que c'était la gauche, et donc, vous voyez, cette façon de concevoir la libération du Maroc, de ce point de vue idéologique, de couper avec la colonisation française. Je finis par un dernier point, qui recoupe également un des points qui avait été présenté, c'est que à côté de ça, on a un maillage associatif, qui est soit produit maintenant aussi par des nouvelles générations qui sont restées au village, faut pas tout aussi construire sur les étudiants, puisque, comme je vous l'ai dit, la majorité est bien vue. Donc il y a un maillage qui vient du village, de l'espace régional, qui se confine à l'espace régional. Il y a donc le renforcement par ces étudiants qui reviennent, mais à côté de ça, l'association n'organise pas tous, je dirais, les liens avec les populations locales, à savoir qu'il y a des mouvements sporadiques qui éclatent ici et là et qui ne sont aucunement liés à des formes organisées, que ce soit associatives ou encore moins un parti politique, qui sont généralement repoussés par la population. Et donc, on a des conflits. Alors, c'est vrai, dans le Moyen Atlas, il y a sur l'eau, je pense, il faudra que je me remémore, parce qu'il y avait il y a un festival des poètes amazigh, où les vieux poètes qui déclament leur poésie depuis des siècles et des siècles. Maintenant, le pouvoir leur organise un festival dans le Moyen Atlas, et dans ce village, ce qui est très intéressant à voir, c'est-à-dire qu'il y a un festival, c'est le Maroc, il y a les officiels en face, des représentants de l'armée, des représentants des autorités, etc., en uniforme, etc. Le public, il est derrière les barrières, parce qu'il ne faut pas mélanger quand même les autorités et le public. Et là, ces vieux poètes déclament c'est des joutes oratoires aussi, donc déclament avec un contenu très radical. Et devant des généraux, enfin pas des généraux, enfin des représentants de la gendarmerie, de l'armée, etc., qui ne comprennent rien parce qu'eux sont de régions qui ne sont pas amazighophones. Et donc, pourquoi je parle de cette ville? Donc, vous voyez, là, c'est un lieu où il y a à la fois une initiative officielle, un festival, il y a un engagement associatif, il y a beaucoup d'associations amazighes dans la région, mais dans ce village-là, moi j'y étais allé à ce festival il y a 2 ans, il y avait quelques mois avant des mouvements qui avaient éclaté, qui étaient des mouvements pris en charge par les tribus. Je crois que là c'était la question de l'eau, encore une fois, parce que des fois, je l'ai rencontré aussi dans un autre endroit, dans le Moyen Atlas aussi, où l'eau, il y avait les petits canaux d'irrigation, mais qui sont détournés des terres de la population, parce que ce que disait la population, c'est que ça venait alimenter les terres d'un grand propriétaire qui était bien placé. Et donc ça a donné lieu là aussi à un mouvement, je dirais vraiment, qui n'est pas organisé par le monde associatif, qui est porté par les tribus. Et là, il y a quand même un contact qui se fait avec les associations. Certaines associations courent derrière ce mouvement pour essayer donc de maintenir un lien avec ces populations. Donc, mais ça, encore une fois, c'est plus particulier, cette région du Moyen Atlas, qu'à d'autres régions. Et pour vous dire que le maillage associatif est de plus en plus fort, c'est vrai que depuis 2001, depuis Mohamed VI, il y a une progression associative, mais déjà, il y avait une loi avant sur les associations qui précédait Mohamed VI. Les associations étaient en fort développement, mais ce que je veux dire pour finir, c'est qu'il ne faut pas tout construire aussi, de penser que toute la réalité dans l'organisation des liens d'un point de vue d'action collective, se fondent sur l'action associative. Il y a toujours des mouvements de populations, alors qui ne donnent plus lieu aux grandes émeutes qu'on a connues dans les années, notamment les années 80, au Maroc, où là, c'était des dizaines de milliers de personnes qui descendaient dans les rues. Mais localement, dans des villages, dans des régions qui peuvent être des régions reculées, on a des formes de protestation qui émergent en dehors de tout cadre organisé et qui sont très rapidement pris en charge par les autorités, puisqu'il y a un dispositif dans le système marocain qui vise tout de suite à mettre une place, une commission, où on essaye de rentrer en dialogue avec les gens qui rentrent dans un mouvement collectif pour tout de suite contenir la protestation. Mais je dirais, ces régions restent, somme toute, notamment le Moyen Atlas, qui est le plus méconnu même du point de vue du mouvement Amazigh, y compris vous discutez avec des gens du mouvement Amazigh, ils n'ont rien à vous dire sur le mouvement du Moyen Atlas, pour eux, rien ne se passe, alors que c'est une région très riche en engagement collectif, et qui a cette spécificité de maintenir des liens tribaux qui sont importants. Je vous remercie, j'ai une excuse d'avoir dépassé le temps qui m'était imparti.